je vais me cacher. Tu ne me trouveras jamais. La rosée est de sang. Les reflets lunaires si doux. Et je ne suis qu'une ombre qui s'étire à tes pieds. Oh, ne me dis pas que tu m'aimes. Être une source d'orgueil, des mots qui ne sortent pas. Je m'écrase à tes pieds, en attendant que tu brûles, qu'on nous souffle au vent. Et je ne suis